Putain, mais c'est très humain, ça. Et du moment que l'article... Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions autour du cinéma de François Truffaut, initialement diffusée en septembre 2019. Aujourd'hui, troisième épisode, L'homme qui aimait les femmes. On ne peut pas faire l'amour du matin au soir, c'est bien pour ça qu'on a inventé le travail. En 1984, le 21 octobre tombait un dimanche. Qu'est-ce que vous avez tous à mourir le dimanche? On dirait que vous faites ça pour embêter les journalistes, les obliger à écourter leur week-end. La télévision annonça la nouvelle au journal de 20h. Vous avez eu droit au gros titre. Pour une fois, on n'a pas eu à se plaindre. Il s'était passé quelque chose. La priorité n'allait pas à la chute du dollar. Vous êtes mort la même semaine que Henri Michaud. Plume et Doinel se saluèrent en un dernier adieu. Vous n'alliez pas bien, on savait cela. Truffaut est malade. La phrase revenait à intervalles réguliers. On n'y prêtait pas attention. Surtout, on ne voulait pas y croire. Votre mort nous a cueillis de plein fouet. Merde, avons-nous soupiré, alors que le générique des informations sur Antenne 2 n'était même pas terminé. Le téléphone a sonné. C'était un de mes amis. Tu as vu? Truffaut est mort. J'avais vu. Ainsi, ces choses-là peuvent arriver. Truffaut était mort. C'est vraiment dégueulasse. Aurions-nous dû dire, comme Jean-Paul Belmondo à la fin d'À bout de souffle, quand on pense que votre dernier film s'appelle « Vivement dimanche ». Bonjour Éric Neuhoff. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. L'extrait de texte que je viens de lire vient de votre livre « Une lettre ouverte à François Truffaut » que vous avez écrit en 1987, donc 3 ans après la mort de François Truffaut. Pourquoi avoir pris la plume à ce moment-là? Parce que j'étais très triste en 84 quand j'ai appris sa mort, et quelques temps plus tard, j'ai compris qu'on avait changé d'époque avec ça, que le cinéma français ne serait plus jamais le même, qu'il n'y aurait plus Truffaut pour le porter à bout de bras et nous faire croire que c'était quelque chose d'important, de solide et d'éternel. Et puisque les Truffauts meurent aussi, on s'est dit que le cinéma était aussi un art mortel. Et 30 ans après, vous n'avez pas changé d'avis puisque vous publiez cette année Très cher cinéma français, toujours chez Albin Michel, où vous faites le même constat d'une déperdition du cinéma français. Oui, qui est un peu une lettre ouverte au cinéma français, mais... Ce qui était amusant, c'est qu'à l'époque, la lettre ouverte à Truffaut a enterré la collection. Il n'y a plus d'autres volumes après. Et pourquoi Truffaut, à votre sens, incarnait-il le dernier cinéaste français digne de ce nom? Parce que j'ai l'impression que c'est quasiment ce que vous pensez quand on lit votre texte. Oui, enfin, il y en a d'autres, mais c'était quelqu'un qui croyait tellement au cinéma, qui en faisait tellement bien, qui mettait ça aussi haut que la littérature. Il faisait partie de cette génération de metteurs en scène qui avait tourné des films parce qu'il n'arrivait pas à écrire de romans. Et ça se sent tellement dans ces longs métrages, puisque le livre est toujours un invité majeur, et les voix off, les extraits, tout ça redonnait du piquant à ces films, et c'était quelque chose de merveilleux. Et après sa mort, on a publié sa correspondance, et on a vu quel écrivain pouvait être Truffaut. Vous voulez dire qu'il a fait du cinéma par défaut? Je pense, oui. Comme Godard, qui avait dit « j'ai tourné des films parce que j'arrivais jamais à savoir si je devais écrire « Elle sortit à 5 heures » ou « À 5 heures, elle sortit de chez elle ». Donc il a tourné Le Mépris, qui est le plus beau film du monde. Et pourtant, c'est un critique qui est devenu cinéaste. Oui, mais... Souvent que les critiques sont des cinéastes ratés ou... Non, ça je pense que c'est pas vrai, mais c'était une autre époque et ils avaient du mérite parce qu'ils connaissaient le cinéma par cœur, ils analysaient les films de façon incroyable, alors qu'il n'y avait pas de DVD, il n'y avait pas l'émission de Patrick Brion le dimanche soir. Mais vous le dites à la fin de votre livre, que vous faites partie de ces critiques qui auraient bien aimé être cinéastes. Oui, mais c'était un vieux rêve. J'aurais bien aimé être cinéaste pour pouvoir rencontrer des actrices, c'est tout. Ah bah, nous voilà au cœur du sujet. Parce qu'ensemble, Éric Neuhoff, on va parler Truffaut, pas simplement parce que vous le tenez en très haute estime, mais aussi parce qu'on a trouvé plusieurs échos entre la filmographie de Truffaut et le peu qu'on peut savoir de vous dans les textes que vous écrivez. Nous allons parler aujourd'hui de L'homme qui aimait les femmes. Film qui date de 1978 et dans lequel Charles Denner, le personnage principal, passe son temps à observer les femmes. Écoutez par exemple ce qu'on entend dès le début du film. Il faut le dire, nous avons commencé l'émission avec l'enterrement de François Truffaut. Le film s'ouvre avec l'enterrement de Charles Denner. Les jambes de femmes sont des compas, sont des compas. Voilà le moment de vérité. D'où il est maintenant, Bertrand est bien placé pour regarder une dernière fois ce qu'il aimait le plus en nous. Je me souviens d'une phrase de Bertrand. Les jambes de femme sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie. Les jambes des femmes sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie. La phrase est magnifique et tout le film est saturé de jambes de femmes, Éric Neuf. On en voit oui, à chaque plan. On sent que c'était la passion de Truffaut et dès la scène du cimetière, qui est très émouvante parce qu'on aperçoit à côté de la tombe Truffaut en personne avec sa casquette qu'il enlève au passage du corbillard. Et on ne peut pas s'empêcher de penser en revoyant le film à son propre enterrement ouais. Et se dire que c'était peut-être comme ça, un enterrement où il y avait tout un tas de femmes en train de jeter une fleur sur le cercueil qui était au fond. Vous pensez que Charles Denner, le personnage du film, est le double de François Truffaut, comme Antoine Doinel l'est aussi à beaucoup d'égards ? Ah oui, ça semble très voulu, puisqu'on voit bien que Truffaut avait un blouson et une cravate, et Denner est habillé comme ça pendant tout le long du film. Alors même, allons plus loin, pensez-vous que le cinéma pour Truffaut a pour vocation, entre autres sans doute, de percer le mystère féminin ? Sans doute, oui, et puis d'approcher les actrices, de les faire jouer, de leur faire dire des belles choses, parce que la phrase que vous avez citée sur les jambes, c'est quand même une des phrases les plus justes, les plus harmonieuses qu'on ait entendues dans un film. C'est très très beau, et en plus, on voit que le côté écrivain comptait beaucoup, puisque son héros qui fait une espèce de boulot d'ingénieur là dans une usine où on teste des maquettes d'avions, devient comme Antoine Doinel d'ailleurs. Oui, comme Antoine Doinel dans Domicile conjugal. Donc, c'est ça qui était bien aussi chez Truffaut, c'est qu'on voyait les gens travailler. C'est le contraire des films français d'aujourd'hui où personne ne fait rien. Le seul boulot consiste à allumer une cigarette dans un café. Là, on voyait que les gens avaient une vraie existence, des moyens de gagner leur vie. Et ce qui l'intéressait en plus, c'était de savoir que le soir, parce que c'est l'homme qui aimait les femmes, mais c'est aussi l'homme qui aimait les livres. Et le film peut se voir comme un manuel de la séduction, parce qu'il y a tout un tas de stratagèmes qu'on peut utiliser dans la vie et dont on se dit que Truffaut a dû les faire personnellement, enfin les tester. Parce que le personnage dit à un moment donné, j'ai horreur des dragueurs, mais il charrie un peu parce que c'est quand même son activité principale quand il n'est pas dans son boulot. Exactement, dans quelle mesure est-il de bonne foi lorsqu'il dit j'ai horreur des dragueurs? En fait, dans l'élaboration même du scénario, on lit les notes de Truffaut qui disent bien non mais ça ne sera pas un dragueur ni même un obsédé sexuel, c'est quelqu'un qui veut tout faire pour obtenir une satisfaction auprès des femmes. Mais c'est joué sur les mots, non? Ce qu'on voit à l'écran, c'est quand même un homme qui est, oui, obsédé par les jambes des femmes et qui va tout faire pour les obtenir. Oui, mais qui ne s'en cache pas. Hein, c'est presque une faiblesse et c'est ce qui le rend attendrissant parce que l'astuce du film c'est d'avoir pris un acteur qui n'a pas un physique de tombeur hollywoodien. Denner est un acteur brun, un peu spécial et en plus il est inquiétant, il pourrait jouer un serial killer quand on le voit au lieu d'être un tombeur en série. Et c'est quelqu'un qui a... Dès qu'il voit une femme, il pense pas seulement aux jambes, à tout le reste, mais ça fait partie de l'imaginaire de Truffaut. Mais vous avez l'impression qu'il vous apprend vraiment des choses. Alors, dans votre lettre ouverte à François Truffaut, hein, vous l'écrivez, vous dites vos films vous ont enseigné un tas de trucs. Et là, vous avez des pages sur tout ce qu'ils vous ont enseigné. Ils nous simplifient la vie. Ouf, merci Truffaut, si nous surprenons notre femme au lit avec un autre homme, déchirons ses sous-vêtements. Pour embrasser une fille la première fois, accompagnons-la chercher du vin à la cave. Pour la sauter carrément, amenons-la au grenier. Si nous nous payons une pute, n'essayons pas de l'embrasser sur la bouche. Grâce à vous, on sait se conduire en toute occasion. C'est ironique ou pas? Non, puis on apprend. Est-ce que vous imaginez que pour eux, en tout cas pour une femme et pas que, je pense qu'ils regardent le film, on aimerait bien que les garçons ne se conduisent pas comme ça. Ça dépend si la fille est d'accord. Non, mais on apprend d'autres choses beaucoup plus importantes. Ils ne sont pas toutes d'accord. Hein, grâce à lui, j'ai su que pour ne pas casser une biscotte en la tartinant, il fallait en empiler deux. C'est très utile. Voilà. Donc ce n'est pas que dans le rapport aux femmes. Vous pensez vraiment que Truffaut vous a appris à vivre? Et mais le cinéma m'a appris à vivre. J'ai découvert un tas de trucs. Moi, je fais partie d'une génération qui n'aurait jamais su comment embrasser une fille sur la bouche si on n'avait pas vu des films. Et ça, c'est un avantage. Mais et le problème, c'est l'inconvénient, ça a fini par marcher. Ah mais oui. L'inconvénient, c'est que la vie ne ressemble pas toujours au film qu'on a aimé quand on est adolescent. Ben c'est ça. C'est tant mieux. La vie est très déceptive si on la vit au non, regard la vie, la vie n'est pas sérieuse, mais comme disait Truffaut, c'est le cinéma, c'est pas la vie. Hein. Dans les films, les trains arrivent à l'heure, il n'y a pas de temps mort, et dans la vie, effectivement, il y a des moments d'ennui, des ratages. Des embouteillages, mais, comme il dit. C'est ça qui est bien aussi. Hein. Ça permet de. Mais maintenant, je trouve que la vie est beaucoup mieux que. Que le cinéma français. Ouais. Ah oui ? Ouais. Pourquoi ça ? Parce que je trouve qu'il m'arrive plus de choses à l'extérieur des salles qu'en projection. Bah surtout, vous pouvez vivre des choses que Truffaut n'a pas pu vivre, puisque lui est mort très jeune. Ouais, ouais. Mais je pense que l'époque ne lui aurait pas tellement plu. Qu'est-ce que vous écririez à Truffaut si vous pouviez écrire une lettre ouverte aujourd'hui à Truffaut ? Et je lui dirais de revenir pour nous faire croire que le cinéma est en bonne santé. Pour nous faire croire ? Ouais. Mais pourquoi vous êtes si dur avec le cinéma français aujourd'hui ? Parce que je vois plus de 200 films français par an et c'est pas humain. Il y a 250 films qui sortent chaque année et il n'y en a pas 20 qu'on pourrait conseiller de bonne foi à un ami si on ne veut pas se fâcher. Mais est-ce qu'il n'en a pas toujours été ainsi ? Parce que Truffaut faisait le même constat. Non, d'abord il y avait beaucoup moins de films. Il n'en sortait pas 15 par semaine mais 5 ou 6 à l'époque. Et les films étaient meilleurs. Et puis, il y avait un cinéma commercial qui n'était pas indécent à l'époque. Les Jacques Deray, les Boisset, les gens comme ça, c'était vraiment de très, très bonne qualité. Et à l'époque, évidemment, comme on était snob et cinéphile, on haussait les épaules devant ce genre de truc. Mais on aurait ça aujourd'hui, on serait enchanté. Mais c'est pas l'illusion rétrospective du « c'était mieux avant » toujours ? Ah, mais le cinéma, c'était mieux avant, ça, c'est pas... Mais Truffaut disait la même chose. Alors, vous dites « c'était mieux à l'époque de Truffaut ». Oui, Truffaut parce que le cinéma... c'était mieux dans les années 50 ». Oui, moi, non, mais parce que dans les années 70, vous aviez des chefs-d'œuvre, mais vraiment tout le temps. C'était hallucinant, là, tous les films qu'on peut revoir aujourd'hui sans se lasser. Alors que je ne suis pas sûr qu'on ait envie de revoir Le Grand Bleu ou des trucs comme ça. Mais ce n'est pas vous qu'on avait marre ? Peut-être qu'il faut changer de métier. Ah non, j'en ai pas marre. Hein. Je suis toujours optimiste. Moi, j'aime tellement le cinéma que j'attends la bonne surprise et je ne peux pas être déçu. Même un cinéaste qui ne me plaît pas, je me dis que son prochain film pourra me séduire. Bon, vous leur accordez le crédit de changer, n'est-ce pas ? Oui, parce que c'est un art de l'imprévu, hein, le cinéma. Alors, si on reprend le fil de Truffaut et de l'homme qui aimait les femmes, donc si on part du principe que ça peut être Truffaut aussi, hein, l'homme qui aimait les femmes, puisqu'il assume le côté quasiment double dans ce personnage, on va entendre un autre extrait. Écoutez comment le personnage qui s'appelle Bertrand Morane va détailler son désir pour les femmes et il va proposer une espèce de glossaire de féminité. Pour moi, rien n'est plus beau à regarder qu'une femme en train de marcher pourvu qu'elle soit habillée d'une robe ou d'une jupe qui bouge au rythme de sa marche. Il y a celle qui file rapidement vers un but, peut-être vers un rendez-vous. Il y a celle qui se promène avec sur le visage un air de loisir. Certaines sont si belles vues de dos que je retarde le moment d'arriver à leur hauteur pour ne pas être déçu. À vrai dire, je ne suis jamais déçu parce que celles qui sont belles de dos et moches de face me donnent une sensation de soulagement, puisque malheureusement, il n'est pas question de les avoir toutes. Elles sont des milliers tous les jours à marcher dans les rues. Mais qui sont toutes ces femmes ? Où vont-elles ? À quel rendez-vous ? Si leur cœur est libre, alors leur corps est à prendre. Il me semble que je n'ai pas le droit de laisser passer la chance. La vérité, je vais vous la dire, elles veulent la même chose que moi. Elles veulent l'amour. Tout le monde veut l'amour. Toutes sortes d'amour. L'amour physique et l'amour sentimental. Ou même simplement la tendresse désintéressée de quelqu'un qui a choisi quelqu'un d'autre pour la vie et ne regarde plus personne. Je n'en suis pas là, moi. Je regarde tout le monde. Il vous touche, ce personnage, Eric Neuf ? Oui, beaucoup. Et puis surtout, c'est intéressant parce qu'à la même époque, dans L'amour l'après-midi, Bernard Verlet imaginait qu'il avait une sorte de pendentif autour du cou qui lui permettait de séduire toutes les femmes qui se promenaient dans Paris entre midi et deux. Et les deux séquences se répondent. Mais aussi, je me dis qu'un film comme ça, je ne suis pas sûr que ce serait bien accueilli aujourd'hui. Et peut-être même pas sûr que ça puisse être fait. Ouais. Bah, à l'époque, ça avait été mal accueilli par le MLF, hein, le mouvement de libération des féministes. Ce qui est justement. Bon signe, d'ailleurs. Et d'ailleurs, Truffaut le dit lui-même, il dit j'ai jamais voulu failloter auprès des féministes. S'ils ne l'aiment pas, tant pis, moi je continue à faire mon film, ça c'est pas son souci. Mais je vous demande s'il vous touche, parce que finalement, ce qu'il dit là, hormis sa voix, qui est une voix vraiment les voix off, radiophonique, Truffaut, hein, quasiment, il n'y a rien de nouveau, en fait, sous le soleil. C'est-à-dire que c'est un discours qu'aurait pu tenir même Don Juan. Il dit qu'il veut collectionner. Il ne jouit même pas de ses conquêtes. C'est pas Casanova qui tombe vraiment amoureux. Il veut collectionner. Il dit, malheureusement, je peux pas toutes les avoir. Oui, qu'est-ce que ce personnage nous dit de plus, en fait, que les personnages précédents? Oui, mais vous oubliez qu'à un moment donné, il rencontre par hasard dans un hall d'hôtel Leslie Caron, dont on comprend à demi-mot que ça a été la femme de sa vie, qu'elle l'a quitté. et qui ne s'en est jamais remis. Ça, c'est une scène bouleversante. Elle est très très belle, la scène. Oui. Et surtout que tout est effleuré, tout est dans le non-dit. Et Truffaut est vraiment quelqu'un de délicat et de pudique, on voit là-dedans. Et non, le seul reproche que je ferais au film, le côté un peu vieillot, c'est ces surimpressions de jambes de femmes qui marchent ou de visages de femmes. Ça cloche un petit peu. Mais on voit tellement, en plus, à l'époque, on voyait ce qui se passait dans les rues, dans les films français. Mmh. Là, toutes ces femmes en auto Bianchi, en Mini Cooper, les taxiphones jaunes, les plaques d'immatriculation, on comprend que ça se passe à Montpellier. Rien qu'en voyant le numéro 34 à l'arrière des voitures, alors qu'aujourd'hui, on peut voir une voiture, il n'y a même plus marqué de quel département. Moi aussi. Oui, mais faut vraiment avoir une loupe et être. Ah, bah oui, il faut avoir une bonne vue, mais c'est encore. Ce sont des détails qui comptent. Mais c'est pas forcément une perte. Si, c'est une perte. Oui, j'entends bien. C'était un choix de Truffaut de tourner à Montpellier et de ne pas tourner à Paris. Pourquoi? Mais parce que ça devait le changer un peu. Et y a même une petite incursion à Béziers. On voit un trajet en voiture pour aller rencontrer. Retrouver une femme. Une femme, oui. Parce qu'il a inventé une technique qui fait croire qu'il a eu un accident pour retrouver la fausse coupable. Et il y a un tas de trucs de drague. Mais la province, Truffaut, qui était entièrement parisien. Pour lui, ça devait être du romanesque. La province est vivement dimanche, se passait sur la Côte d'Azur. Et on sent que ça lui faisait un bien fou. La nuit américaine, c'était à Nice. Et cet oxygène, c'était quand même ce qui activait son cinéma. Et la province, ce qu'il n'a pas tout à fait réussi, et là on voit qu'il était parisien, c'est que dans une petite ville de province, tout le monde se connaît. Et là, on a quand même l'impression que les gens sont anonymes, ne se voient jamais, ne se rencontrent jamais. Mais ça, c'est pas grave, puisque un film comme ça, c'est un roman pour lui. Et il disait bien qu'à Montpellier, la taille de la ville était parfaite parce que c'était assez grand pour rencontrer de nouvelles personnes et suffisamment petit pour avoir là une chance de les recroiser. Et c'est ce qui se passe avec ces femmes. Oui, le hasard joue un grand rôle là. Mais lui était très, très. Puis il y a un humour, on sent le plaisir de filmer. Et la drôlerie quand il répond à une annonce de babysitter et que la fille découvre qu'il n'y a pas d'enfant à garder. Alors vous trouvez ça drôle parce que c'est une scène très violente. Il fait venir une babysitter en faisant croire donc qu'il y a un bébé parce qu'il veut à tout prix rencontrer cette femme. Ouais. Et donc la femme arrive et il dit bah oui, le bébé dort dans la chambre, n'allez pas le voir. Elle finit par y aller, elle ressort avec un poupon ridicule. Ouais, il dit ah mais c'est ça le bébé. Mais c'est presque violent comme scène. C'est que là il la contraint, c'est contre son gré. Oh, bah elle peut partir hein, si elle veut. Non, c'est un piège quand même. Bon, non, c'est pas un violeur le gars, c'est pas du trou. Hein, non, harceleur on dirait aujourd'hui. Ouais. Ah bah aujourd'hui je suis sûr oui qu'il serait qualifié comme ça. Mais c'est pas forcément un mal. D'être harceleur. De condamner le harcèlement. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est puritain. Oh, c'est un harceleur doux. Hein. C'est un type qui essaye, visiblement. En piégeant. En piégeant, la porte est ouverte. En fait, la question, c'est plutôt au service de quoi est-ce que le piège est monté dans un film. Et c'est la question qu'on se pose en regardant ce film. C'est la question que moi, je me pose. C'est finalement, quel est le but de cette collection et qu'est-ce qui anime vraiment ce personnage. Et on n'a pas vraiment la réponse à ça. On sent vraiment une pulsion, alors même s'il y a un rapport avec sa mère qui est établi, etc. Oui, il y a ça aussi. Voilà, il y a le clin d'œil aux 400 coups. C'est un fils unique, Bertrand Morane, comme Doinel. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que c'est le rôle des livres dans ce film. On en voit partout. Alors, ça, c'est intéressant. Même dans la scène où il va se faire dépuceler tout jeune, dans la chambre de la prostituée, il regarde une étagère, une bibliothèque où il n'y a aucun livre, au lieu de penser à des choses un peu plus triviales. Et tout est comme ça dans le film. Justement, et c'est à l'occasion de son premier râteau qu'il va décider d'écrire un livre. Écoutez la scène. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On pourrait aller chez moi, par exemple. Par exemple? Écoutez, il faut que je vous parle. Je ne veux pas être coquette avec vous, ni jouer l'innocente. Je vous aime beaucoup. Je voudrais que nous restions amis, après ce que je vais vous dire. Oui, sûrement. Dites. Bon, eh bien, voilà, je connais bien les hommes. Enfin, j'ai l'impression de bien les connaître. Et je sais ce qui se passerait si j'allais chez vous. Je sais ce que vous attendez de moi, et je sais aussi que je ne vous céderai pas. Il faut que je vous explique, Bertrand. J'ai 41 ans. Je suis très sentimentale, mais je ne suis attirée que par les garçons plus jeunes que moi. J'aime les jeunes garçons. Ainsi, la jolie marchande de soutien-gorge ne peut faire l'amour qu'avec de jeunes garçons la peau douce et tendre. Ce n'est pas mon premier échec, évidemment, mais c'est plus inattendu. Je pensais bien que cela se produirait un jour, mais avec une fille jeune, avec une femme de mon âge, m'envoie balader. C'est pourquoi je vais tenter d'écrire ce livre. Peut-être aussi parce que devant les photos anciennes que j'entasse dans un tiroir, j'ai peur d'oublier. Il y a déjà tant de noms de femmes que je ne peux retrouver, même lorsque j'ai encore en mémoire les événements liés à tous ces visages. Pendant plusieurs années, j'ai conservé mes agendas. Et puis je les ai jetés quand j'ai décidé de quitter Paris. Je vais essayer de remonter le plus loin possible en arrière, jusqu'à la première femme, celle qu'on n'oublie jamais. C'est pourquoi je suis tentée d'écrire ce livre. Quel lien faites-vous, Éric Nehoff, entre son premier échec sentimental, enfin sexuel même, et son envie d'écrire, de se mettre à écrire? Surtout, c'est un échec inattendu, parce que la fille en question, la Geneviève Fontanelle, elle est vendeuse de lingerie. Donc, il dit dès le départ, celle-là, je suis sûr qu'il se passera quelque chose entre nous. Et elle lui raconte ça. Il invente les cougars, hein, Truffaut, hein, dans les années 70, en sortant du cinéma. Ce qui est un double affront pour Truffaut, une fille qui l'emmène au cinéma et qui ensuite lui résiste, c'est pas pensable. Et il y a un truc assez bien aussi, c'est qu'il va deux fois au cinéma et on ne sait jamais quel est le film en question. Oui. On ne voit pas d'affiche, ni rien. À un moment donné, c'est un documentaire, ce qui lui permet de repérer l'ouvreuse qui s'assied à côté de lui et de regarder ses jambes qui se croisent et le bruit que font les bas en nylon à chaque fois. Et on entend le bruit des bas ouais, en nylon. Ouais, c'est magnifique ça. Ouais. On peut voir le film les yeux fermés. Il y a c'est un catalogue, hein. C'est un peu le côté Don Juan, comme vous disiez, mais c'est un Don Juan tendre, sympathique et fragile, hein. On voit qu'il peut tomber amoureux et qu'il résiste. Peut-être que le fait d'écrire lui permet de ne pas tomber amoureux et que c'est pour arriver à raconter sans doute à la fin du livre, son histoire ratée avec Leslie Caron il y a des années. En tout cas, à la fin du film, on se dit que le livre qui est en train d'être écrit sous nos yeux et qui nous vaut cette voix off magnifique de Charles Denner est le film que nous avons regardé. Parce que Le Trouble Léger, c'est le même titre en fait. Oui, c'est le même titre. Au départ, le titre du livre devait être Le Cavaleur et l'éditrice Brigitte Fosset le lui fait changer. Et ce qui est amusant, c'est que quelques années après, il y aura un film intitulé Le Cavaleur, réalisé par Philippe de Broca avec Jean Rochefort, un peu sur le même thème. Qui lui aurait piqué l'idée ? Non, c'est peut-être un clin d'œil. Hein. Non, parce qu'à l'époque, les cinéastes entre eux, s'adressaient des petites références. Il y avait un vrai cinéma français, alors qu'aujourd'hui, il y a des films français. Ce qui, encore une fois, pas forcément un mal. Non, il y a pire. Hein. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que le livre soit très bon. Parce que quand on entend les phrases qu'il y a dedans, oui. Ça ne doit pas être un très bon livre, mais ça n'est pas grave. Ça. Les phrases, c'est la voix off. Oui, mais elles sont pas toutes formidables. Non. On n'a pas envie de les voir noir sur blanc. Mais il y a aussi le côté matériel. On sent qu'il aime la machine à écrire, le bruit des touches dans la nuit, le papier, aller à l'imprimerie, corriger au feutre une page dactylographiée, toucher les épreuves et le livre imprimé. Il y a une joie tactile et physique à ça. Et Truffaut, c'est comme ça. Dans L'amour en fuite aussi, Doinel finit par écrire un livre qui paraît chez Flammarion avec la vraie couverture Flammarion, alors que là, c'est un éditeur inventé qui s'appelle Bethany et que j'ai essayé de voir où étaient les bureaux, mais je n'ai pas réussi à reconnaître. Et puis, il y a la peinture du milieu de l'édition qui est un peu naïve ou fantasmée, parce que j'imagine que un Bertrand Morin ayant écrit un livre comme ça, on ne le fait pas venir à Paris dans un hôtel en l'invitant, dans un grand restaurant, tout frais payé. Non. Mais en tout cas, il y a un parallèle qui est même plus qu'un parallèle, peut-être une fusion entre le désir pour les femmes et le désir d'écrire. Parce que vous insistez sur la sensorialité de l'écriture. Ouais. Elle est plus présente d'ailleurs que celle pour les femmes, ouais. Qu'on voit peu toucher. Non, mais on sent que pour Truffaut et pour son héros, les mots, le langage est une arme de séduction ou en tout cas de communication. Mmh. Ça compte beaucoup, ça. Il parle tout le temps, soit aux gens, soit dans sa tête. Et après, il écrit. Et c'est une façon aussi de se parler à lui-même et de parler aux autres. Et bien justement, on va l'entendre un texte de Truffaut, lu par Noémie Lvovsky, dans lequel il raconte comment son rapport au cinéma a pu être proche et formé par celui de son métier de critique d'abord. Et dans le texte que vous allez entendre, vous allez voir qu'il compare le cinéma à un art de la femme, c'est-à-dire de l'actrice. Avez-vous déjà remarqué comment la stérilité inhérente à leur fonction conduit les critiques à s'occuper toujours du personnage plutôt que de l'acteur qui l'incarne? C'est certainement leur sécheresse prétentieuse qui les conduit à préférer le scénario au film lui-même, les intentions au résultat, l'idée au geste, bref, l'abstrait au concret. Et pourtant, le metteur en scène, lui, travaille sur ce que les militaires nomment le matériel humain. Un romancier parlant de ses personnages m'a souvent semblé ridicule. Jamais un réalisateur parlant de ses interprètes. C'est probablement pourquoi je préfère le cinéma à la littérature. Le cinéma est un art de la femme, c'est-à-dire de l'actrice. Le travail du metteur en scène consiste à faire faire de jolies choses à de jolies femmes. Et pour moi, les grands moments de cinéma sont la coïncidence entre les dons d'un metteur en scène et ceux de la comédienne dirigée par lui. I live with melancholy. My friend is vague distress. I wake up every morning and say bonjour tristesse. Bonjour tristesse, Juliette Gréco et François Truffaut et Noémie Lvovsky. Et Éric Nehoff sur France Culture, les chemins de la philosophie, ça fait du beau monde hein, ce matin. Éric Nehoff, alors est-ce que vous souscrivez à ce constat de François Truffaut? Là, je m'adresse aux critiques de cinéma que vous êtes. Avez-vous déjà remarqué comment la stérilité inhérente à leur fonction conduit les critiques à s'occuper toujours du personnage plutôt que de l'acteur qui l'incarne? Ah bah je sais pas, mais moi je regarde beaucoup les actrices. Hein, c'est... Ah voilà. Non mais il a raison, faire faire de jolies choses à de jolies femmes, c'est l'essence du cinéma. C'est pour ça qu'il admirait Hitchcock, qui était un Truffaut contrarié, parce que visiblement, il n'arrivait pas à coucher avec ses actrices, alors que d'après ce qu'on a compris, Truffaut était assez coutumier du fait, tant mieux pour lui. Et c'est pas honteux non plus de tomber amoureux de son interprète. Moi, ça m'a jamais choqué, et ça, surtout que ça se sent à l'image, là. Quand on voit Anna Karina filmée par Godard ou Helmut Berger par Visconti, il y a quelque chose qui se passe. Du désir qui ouais, s'imprime sur désir, la pellicule. Du désir, une façon de magnifier. Il y a des ondes qui se dégagent, alors que dans les films dirigés par d'autres personnes, cet éclat, cette lumière n'existe plus. Est-ce que ça peut marcher dans les deux sens? Est-ce que ça, on dit que là, Truffaut, hétérosexuel, dit le cinéma est un art de la femme, c'est-à-dire de l'actrice. Est-ce qu'une femme pourrait dire la même chose d'un homme qu'elle désire, ou même homosexuel, d'une femme envers une femme et d'un homme envers un homme? Oui, j'espère que oui, mais ça demande beaucoup de talent. Hein. Et de trouver l'interprète idéal aussi. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, c'est pas forcément genré. Parce que quand on lit cette phrase, le cinéma est un art de la femme, on se dit, ah bah tiens, bah, écoute, des acteurs. Lui étant François Truffaut, c'est il n'allait pas dire c'est un cinéma de... Mais donc, vous accordez qu'on puisse le transposer à d'autres domaines, à d'autres types de sexualité et d'autres genres. Oui, bien sûr. Oui, oui. Le tout, c'est de la rendre transmissible et belle à voir. Que la caméra soit amoureuse du personnage qu'elle est en train de filmer. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il y ait de l'amour et du désir. Bah évidemment, sinon autant rester chez soi. Si les jambes des femmes ne me font aucun effet, que Charles Denner je trouve pas très séduisant, je passe complètement à côté du film. Oui, mais le film n'est pas fait pour vous. Ah voilà. Il est fait pour nous. C'est qui vous? Les hommes? Oui, bien sûr, c'est l'homme qui aimait les femmes. Les hommes qui aiment les femmes. Donc on se dit... Mais c'est assez excluant comme définition du cinéma quand même alors. Bah non, parce que quand vous voyez les films de Doinel, vous regardez Jean-Pierre Léaud. Pas spécialement. Ah bon, alors vous regardez quoi? Peut-être que j'aime pas trop Truffaut, en fait. Ah bon, fallait le dire. C'est peut-être ça, si c'est une affaire de désir et qu'on désire pas les personnes qui sont filmées. Ah oui, non, mais ça compte, oui. Mais faut regarder les films de John Wayne, alors. Peut-être, ouais. C'est un autre sujet, je viendrai en parler une autre semaine. Et juste quand même sur cette distinction entre le personnage et l'acteur. Truffaut déplore que le critique s'occupe plus du personnage que de l'acteur. Alors que ça paraît normal de parler d'un personnage et pas oui, que de l'acteur. Oui, je comprends pas là ce qui vous comprenez pas ce qui reproche, surtout que ça a été un très très bon critique hein, et d'une méchanceté. Alors quand on se plaint de la critique aujourd'hui, quand on voit les vacheries qu'il balançait à longueur de semaines, c'était quand même assez inouï et marrant comme tout parce qu'il avait un sens de la formule, un don de la phrase qui tue et puis un cynisme parce que ça lui servait aussi à faire place nette pour pouvoir arriver ensuite. Hein. Mais c'est très humain, ça. Et du moment que l'article est intéressant à lire, vaut mieux un bon article sur un mauvais film que le contraire. Et c'est rare les cas de critiques qui excellaient autant dans leur travail, qui deviennent des réalisateurs, justement. Il y a cette génération des cahiers du cinéma de la période jaune. Mmh. Truffaut, Godard, Chabrol, Romer aussi, qui était très très doué hein, comme critique. Hein. Et Romer aussi, c'était la... Et c'est quelqu'un qui filmait les femmes de façon merveilleuse. Alors, quand on voit la série des contes Moreau, moi je sais pas, quand vous revoyez Ma nuit chez Moz, Françoise Fabian à Clermont-Ferrand en train de parler de Pascal, elle aurait pu participer à votre émission. D'ailleurs, on s'en est beaucoup servi ici, dans cette émission. Vous pouvez l'imaginer, tous les cinémas qui font leur miel des discours philosophiques, puisque c'est quand même une émission de philosophie. Mais vous regardiez Trintignant dans Ma nuit chez Moz. On en parlera après l'émission, Je suis pas là pour révéler tous mes désirs. En revanche, je suis là pour faire des parallèles entre ce film et la voix d'ailleurs de Charles Denner et une autre voix à laquelle j'ai pensé pour le coup en regardant le film, c'est celle-ci. Oh, Dieu de Dieu de Dieu. Oh, ne vous mariez pas. N'écoutez pas, mesdames, car c'est aux hommes que je m'adresse, bien entendu. Enfin, la plupart des hommes. à ceux de mon espèce, tenez, c'est-à-dire à tous ceux qui adorent les femmes. Les autres, hein, peuvent bien se marier autant qu'ils le veulent et comme ils le désirent. Ils ne risquent pas grand-chose, ceux-là. Et d'ailleurs, ils n'ont pas voix au chapitre. Ah non, non, non, non, non. Non, non, car il faut adorer les femmes pour avoir le droit d'en parler, puisque parler des femmes, c'est en dire du mal. Et c'est en dire du mal pour la bonne raison que quand on dit du bien de quelqu'un ou de quelque chose, on en a tout de suite fini. Donc dire du mal des femmes, c'est vouloir en parler longuement, pour bien marquer leur importance et la place considérable qu'elles tiennent dans notre existence. Oui, je m'adresse à ceux qui, comme moi, ne conçoivent pas la vie sans elles et ne peuvent pas s'en passer plus de 2 heures par jour. Bonjour mesdames de Sacha Guitry, Eric Neuf. Vous ne trouvez pas qu'il y a une similitude c'est dans le ton ? Avec la voix de, ouais. De Denner, il y a... Non, puis là, le contenu de ce qu'on vient entendre est quand même assez prodigieux. C'est l'esprit français, c'est la phrase qui coule, c'est le cynisme, c'est la franchise, c'est peut-être aussi la vulnérabilité hein, derrière tout ça. La misogynie humoristique, on va dire. Oui, en oui tout cas, la misogynie qui sait que ce n'est pas bien, mais qui est... Mais moi, je préfère les misogynes qui sont gentils avec les femmes que les féministes qui les piétinent et les ignorent. Eh ben, il y a ouais. Une autre voix aussi qui m'a frappé dans le film, c'est le personnage joué par Nelly Borgeot, là, qui fait la jalouse, qui est tellement jalouse d'ailleurs. Elle est jalouse de la lecture de Charles Denner. Elle jette le livre par la fenêtre et quand on ferme les yeux, elle a la voix de Fanny Ardant. Vous avez remarqué aussi? Donc, il y a chez Truffaut quand même des permanences hein, tout le temps. Des... Fanny Ardant qui joue aussi dans d'autres films. De oui, Truffaut. Puis avec qui il aura un enfant, je crois. Et pourtant, Sacha Guitry, c'était 30 ans avant. C'est pour ça que j'interroge. Oui, mais c'est indémodable. L'inventivité de Truffaut au moment où il produit ce film. Quand on connaît Sacha Guitry, on se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Non, mais Guitry a tout inventé au cinéma. Le générique du mépris, c'était déjà chez Guitry, ça. Si on retourne dans le film un instant, peut-être voilà ce qu'il apporte de nouveau, c'est peut-être pas tant le rapport des hommes aux femmes, même si on va y revenir, vous taclez les féministes depuis tout à l'heure, et ben il y a une adresse directe non, à la non, fin non. du film, loin de vous cette idée. Et ben on va s'immiscer dans le comité de rédaction, le moment où le livre est écrit et qu'il veut le publier, et bien dans le comité de rédaction des éditions Bethany, la discussion est lancée, faut-il ou non publier ce texte ? Écoutez les arguments masculin, et puis le personnage de Geneviève, joué par Brigitte Fosset, qui va prendre position pour ce manuscrit. Alors, si je comprends bien, le cavaleur, décidément je ne m'habitue pas à ce titre, c'est l'histoire d'un coureur de femmes qui restait un enfant. Oui, plus ou moins. Justement, pour moi, le meilleur du livre, ce sont les pages où Bertrand Morane parle de son enfance, surtout ce qu'il fait entrevoir de sa mère. Malheureusement, cela occupe à peine un chapitre. Et puis psychologiquement, ça ne tient pas. C'est un tissu de contradictions à un point tel qu'à la fin du roman, on ne sait plus que penser du personnage. Est-ce un malade? Est-ce un obsédé? Un cas pathologique ou bien un romantique désabusé? C'est simplement un homme. Oui, effectivement, ce livre est plein de détails qui se contredisent. Mais comme il est évident qu'il s'agit de la réalité, il faut bien admettre que ce sont les contradictions de la vie. Vous dites, on ne voit pas ce qu'il veut prouver. Justement, il ne veut rien prouver. Il raconte... sans faire de discrimination entre les détails qui signifient quelque chose et ceux qui illustrent simplement le saugrenu de la vie. Monsieur Bethany, c'est un bon manuscrit, instinctif et sincère. L'auteur ne se met jamais en valeur. Beaucoup d'anecdotes sont cruelles pour lui. Là, je vois, il est tordu, il se jette sur toutes les femmes. C'est vrai qu'il est tordu, mais il le sait. Et puis, ce sont bien souvent des femmes qui se sont jetées sur lui. Par exemple, celle qui lui saute constamment dessus dans les endroits publics et qui dit ensuite « Est-ce bien raisonnable ?» C'était intéressant que ce soit la voix d'une femme qui prenne la défense de ce manuscrit. Ouais. Elle aime aussi l'homme, hein, d'ailleurs. Oui, oui, après, non, mais c'est une rêverie, parce que les comités de lecture ne se passent pas du tout comme ça, parce que là, tous les participants ont lu le manuscrit intégralement, alors que ça n'est jamais le cas. Et ce qui est rigolo, c'est que ceux qui sont contre donnent des arguments pour avoir envie de lire le livre. Et ah ça, oui c'est, ouais, moi je trouve, ouais. Et puis il y a aussi une vraie tromperie, mais c'est fait pour ça le cinéma, pour faire croire que des choses arriveront dans la vie. C'est que on se dit, si j'écris un livre, je rencontrerai une fille comme Brigitte Fosset qui m'invitera à l'hôtel et avec qui j'aurai une histoire d'amour. Et ben c'est un bon motif pour écrire un livre aussi. Ça vous est arrivé? Non. C'est toute la différence non, entre non, le cinéma moi, et la vie. J'avais écrit des livres pensant que ça servirait à séduire les filles et je peux vous dire que c'est complètement ridicule comme idée. Tout le monde s'en fout. Bah, ça dépend des livres qu'on écrit peut-être et des non, films. Non, on pense rencontre. À Sagan quand on écrit un premier livre jeune. C'est-à-dire bah, on pense que ça va être bonjour tristesse, que ça va changer la vie, qu'on n'aura plus jamais besoin de travailler et qu'on roulera en voiture décapotable en buvant du whisky tous les soirs. Eh bah, ben non. On va voir des films de Truffaut à la place. Ouais. Ce qui n'est pas un mal non plus. Non, non, non. Ce personnage de Brigitte Fossé est très intéressant, donc Geneviève, parce qu'elle arrive à la fin du film et elle détonne complètement avec le reste des femmes. Elle a quelque chose, en plus, d'arriver à identifier en quoi elle diffère des autres femmes. Ce n'est pas juste une femme qui s'ajoute. Elle arrive de Paris, déjà. Elle est blonde, elle est éditrice, et c'est quelqu'un qui va changer sa vie. Parce que, jusqu'à présent, Bertrand Morane était un homme, et grâce à elle, il va devenir un écrivain. Alors, je ne sais pas si on baisse d'un cran ou si c'est mieux, mais sa vie va changer entièrement à cause de ça, et elle va changer avant la parution du livre, évidemment, puisque Bertrand Morane va mourir à cause de son défaut ou de sa passion des jambes des femmes, parce qu'il va vouloir en poursuivre une dans la rue et se faire renverser par une voiture. Ce à quoi on ne croit pas trop ? Ah si, si. Ah bon ? Ah, je peux vous dire que tous les hommes font ça. Hein. Oui, mais tous ne meurent pas. Ah non, mais... Ce à quoi on ne croit pas, c'est que tout d'un coup, une voiture le renverse. Enfin, ça arrive dans le film, tout d'un coup, c'est comme ça, si ça on ne savait plus quoi faire du personnage. On sait pas. Les gens ne vont pas vous dire « je me suis fait renverser parce que je regardais une fille qui passait de l'autre côté du trottoir ». Vous êtes très généreux. Non, le film est assez juste pour ça. Et... Ce qui est très juste, c'est le discours justement de Brigitte Fossé. Ce qu'elle dit, elle dit « mais en fait, pour convaincre les autres d'éditer ce texte, elle dit « mais en fait, oui, c'est plein de contradictions, oui, il est peut-être insupportable ». Mais c'est comme dans la vie. Et ça, ça tenait très à cœur à Truffaut de faire quelque chose qui ressemble à la vie. À la fois, il aime le cinéma parce que c'est magique. D'ailleurs, il se demande si les femmes ne sont pas magiques. Il y a une identification là. Souvent. Ouais. Et en même temps, il aime ce qui ressemble à ce qui est vrai. Oui, parce que pour lui, le cinéma, ça devait être quelque chose de concret. C'est pas artificiel, c'est sa respiration, souvent, on voit. Et qu'il ait pris un type comme Denner pour l'incarner, ça veut tout dire aussi. Alors que Truffaut, dans la vie, quand on le voyait dans les interviews, etc., il avait une séduction folle. Je suis sûr que toutes les femmes devaient lui courir après. Et en plus, comme il était metteur en scène, ça devait l'aider. Mais quand on voit ce que lui dit la loueuse de voiture à un moment donné, je crois que vous êtes quelqu'un à qui on peut difficilement résister. Je suis sûr que c'est une phrase qu'une femme avait dite à Truffaut, ça. En tout cas, Truffaut lui-même écrit à son amie Liliane David, la veille du tournage de Deux Anglaises et le Continent, « Quand je travaille, je deviens séduisant et séducteur. Ce travail qui est le plus beau du monde me place dans un état émotionnel favorable au départ d'une love story. » Il le dit en anglais. En face de moi, il y a généralement une jeune fille ou femme émotionnée, craintive et obéissante qui fait confiance et se trouve prête à l'abandon. Ce qui arrive alors, c'est toujours la même chose. On voit la suite. Ouais. Sauf que l'erreur serait de croire que c'est emblématique de relations hommes-femmes, c'est emblématique de relations entre un réalisateur et ses actrices. Oui, bien sûr. C'est quand même une relation de domination, dans la mesure où, où on dirige le corps d'une femme. Oui, mais c'est le métier de comédien qui veut ça. Tout à fait, mais tout est consentant, jusqu'à un certain point quand même. Ouais. C'est là, tout est la limite des querelles qu'on entend en ce moment, justement. C'est jusqu'où est-ce que le réalisateur peut manipuler l'actrice ou la diriger. Ça ne devait pas être un drame pour les actrices de coucher avec Truffaut, je pense. Qu'est-ce que vous en savez? J'imagine que c'était un type assez doux. Non, il y a un truc qui lui donne raison. Non, c'est qu'il a failli épouser Claude Jade. Et dans l'autobiographie de Claude Jade, il y a la lettre que Truffaut a envoyée aux parents pour dire qu'il ne se marierait pas avec leur fille. Et c'est un monument d'hypocrisie. C'est un truc terrible, ça. Ouais. Et là, peut-être qu'il y avait de quoi ne pas le digérer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois sur l'écran. Il y a quand même une pruderie chez Truffaut très très grande, parce qu'il a compris que la suite est connue et il n'y a pas besoin de le montrer. Mais une pruderie, je sais pas. Alors, on ne voit jamais de sexe à l'écran, ça c'est sûr, tout est en ellipse. C'est déjà pas mal. Mais le désir est très très présent, surtout dans ce film. Ah oui, oui. Non seulement il est présent, il est revendiqué, il est commenté, il est visible, et puis il est fatal. Oui. Il y a ça aussi, il y a la punition. Vous compariez à Don Juan, effectivement, il y a la statue du commandeur qui conduit une voiture dans la rue de Montpellier. Vous pensez qu'il y a une dimension morale qui veut punir son personnage parce que finalement, ce désir-là, il est mortifère? Non, il veut trouver une fin à son film. C'est pour ça que c'était un peu facile de tuer son personnage parce qu'il traverse la rue par désir. Ah oui, mais c'est assez bien aussi. Il vaut mieux ça que de se retrouver avec la sortie d'un livre en train de le dédicacer dans la librairie à Montpellier. Voilà, ce qui n'est pas possible. Là, en tout cas, la fin, avant la toute fin, il y a une scène qui est très intéressante et je voudrais qu'on y vienne justement. On va retrouver Bertrand Morane, le personnage principal, et Geneviève, Brigitte Fossé. Suite à la publication du livre, dans la voiture, Geneviève va expliquer à Morane pourquoi, en fait, ce n'est pas un Don Juan et pourquoi la relation entre les hommes et les femmes est en train de changer. Alors écoutez bien, parce qu'on est en 1977 lorsque ces phrases sont prononcées. Ça vous ennuie pas, je conduis, sinon je vous laisse le volant. Non, au contraire, j'aime bien te conduire par une femme. Je n'ai sûrement pas réussi à supprimer toute vanité masculine en moi, mais en tout cas, je n'en mets aucune dans ces choses-là. C'est vrai, je m'en suis rendu compte en lisant votre livre. Vous n'êtes pas un Casanova, vous n'êtes pas un Don Juan. Vous savez comment je vous vois, malgré votre air ténébreux. Non. Vous ne cherchez pas à paraître viril à tout prix. Oh, regardez là, c'est moins drôle. Oui, nous emmène comme ça. Vous savez comment je vois votre livre ? Comme un témoignage de ce qu'ont été les relations hommes-femmes au XXe siècle. Vous vous rendez bien compte que tout cela est en train de changer ? Oui, oui, peut-être. Mais je ne suis pas sûr. Disons que le côté copain ne m'emballe pas. Jusqu'ici, il y avait dans l'amour cette part de jeu. Enfin, je la crois indispensable. Il y aura toujours la part de jeu. Simplement, on est en train de changer les règles de ce jeu. Et ce qui va disparaître en premier, ce sont les rapports de force. On jouera toujours, mais à égalité. Peut-être. À vrai dire, je manque d'idées précises là-dessus. Et d'ailleurs, je crois que je suis en train de changer. Bravo, mais ne changez pas trop. Je trouve pas mal comme vous êtes. Paris, le 29 mars 1977. Mon cher Charles, ainsi que vous me l'avez demandé, voici quelques généralités qui peuvent vous aider dans les interviews à propos de son film. Je suis partisan d'éviter de mentionner trop souvent le fait que Bertrand Morane écrit un livre, car cela donnerait l'impression au public d'un film littéraire ou intellectuel. Bien que le personnage soit très loin de vous et de moi, je mentionne dans chaque interview le fait que nous avons déjeuné ensemble il y a 18 mois et que je vous ai soumis le principe du film qui a donc ensuite été écrit spécialement pour vous. Mais beaucoup de questions porteront sur le personnage. Doit-il être considéré comme positif ou négatif? Eh bien, je crois que la meilleure réponse est donnée par Brigitte Fosset. C'est un homme, tout simplement. Et il y aura également des questions autour du féminisme. Que vont penser les dames du MLF? Sur ce point, je suis partisan de répondre que nous n'avons pas cherché à failloter avec le MLF, mais que les personnages de femmes, quoique nombreux et épisodiques, sont assez forts pour tenir tête à Bertrand Morane. C'est tout ce que je vois pour l'instant. Je vous adresse un dossier de presse où vous retrouverez, légèrement transformé, le texte que vous connaissez déjà. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Adèle Van Rett. Il est assez incroyable de réaliser, Éric Neuhoff, que le dialogue qu'on a entendu, puis alors la lettre qu'on a entendue ensuite, que j'ai lue, qui est donc la lettre que François Truffaut adresse à Charles Denner au sujet de la promotion du film, ont été écrites en 77, surtout le dialogue entre Brigitte Fosset et Charles Denner, où elle dit, finalement, pour lire ce livre comme un témoignage de ce qu'ont été les relations hommes-femmes au XXe siècle, c'est pareil pour le film qu'on est en train de regarder. Lui, il dit, le côté copain-copain, moi, m'intéresse pas trop, entre les hommes et les femmes, et elle dit, oui, mais finalement, on jouera toujours, mais à égalité. Oui, mais on est toujours dans la même, c'est toujours le même combat aujourd'hui. Hein. Oui, mais il y a quand même un truc chez le personnage, c'est qu'il est quand même d'une solitude énorme. Il a beau dire, je suis libre, on est libre à tous ses partenaires, c'est quelqu'un qui se réveille toujours tout seul, qui ne vit avec personne, qui est obligé de draguer la voix du réveil téléphonique, d'ailleurs de façon très très raffinée, et il la surnomme Aurore. Et c'est une personne qui le réveille chaque matin par téléphone. Ça existait à l'époque, ça, la voix téléphonique. Et c'est quand même quelqu'un qui est seul dans son lit. Qui l'appelle Aurore, puisqu'il l'appelle Aurore parce que c'est le matin. Mais ça, c'est des idées littéraires, c'est des belles idées de cinéaste. Et quand Brigitte Fosset est dans sa voiture et qu'on entend le dialogue de tout à l'heure, quand elle dit « Oh, ça, c'est moins drôle », on aperçoit au fond de l'écran, dans le flou, c'est un accident de voiture, visiblement. Et ça annonce ce qui va se passer ensuite, mais de façon très, très délicate et discrète. Et le film est comme ça, est très discret. Et je ne crois pas que ce soit un type emblématique du XXe siècle. C'est un dragueur compulsif et qui réussit. Alors qu'il y a beaucoup d'hommes qui prennent des râteaux, comme vous dites, qui se marient, qui sont malheureux, qui ont des enfants. Et c'est pas emblématique du tout, parce que c'est quand même un Casanova, un séducteur solitaire, qui n'a pas d'enfant. Et le secret, son Rosebud, c'est, comme on disait tout à l'heure, cette histoire ratée avec Leslie Caron, parce que là, il y a toutes ces histoires d'amour qui n'ont pas marché, mais dont on sait qu'elles auraient pu réussir si les deux avaient fait des petits efforts. Mais c'est étonnant d'ailleurs cette dimension du film qui est presque psychologique, alors qu'on la retrouve pas tellement dans les autres films de Truffaut. Il y a une explication psychologique à son désir compulsif pour les femmes, ce premier amour qui n'a pas marché, et son rapport à sa mère aussi, qui l'associe à la nudité de sa mère et la lecture des premiers livres. Mais il y a plein de références à l'œuvre de Truffaut là-dedans. Il y a même, après la nuit à l'hôtel avec Brigitte Fossé, elle va déposer le plateau du petit déjeuner dans le couloir, et évidemment, il y a un chat qui s'approche et qui va laper le lait qui reste dans la soucoupe. Et ça, c'était déjà dans La Peau Douce, et Truffaut l'avait repris dans La Nuit Américaine. Et c'est pour ça que c'est bien. Ces films sont comme une œuvre. Il adorait Balzac, et c'est peut-être le seul cinéaste qui a inventé un personnage récurrent qui vieillit, son douanel, en Jean-Pierre Léaud. Je ne vois pas tellement d'autres exemples au cinéma de ça. Vous arrivez à mesurer l'héritage de Truffaut dans le cinéma français ? Je vois que beaucoup de cinéastes l'admirent, mais ne l'égalent pas. Et De Sauté aussi, ils sont quand même deux classiques qui sont devenus, qui n'étaient pas tellement considérés. Moi, je me souviens quand Le Dernier Métro a eu tous les Césars, quand c'est sorti, c'était traité d'académisme, de films démodés, vieillots, alors que c'est quelque chose qui est devenu un modèle. Mais L'Homme qui aimait les femmes, c'est un peu particulier dans sa filmographie, parce que c'est entièrement centré sur un personnage masculin, alors que d'habitude, le champ est un peu plus vaste. Et donc, sur l'influence de Truffaut aujourd'hui, est-ce qu'il y a des cinéastes aujourd'hui dont vous vous dites, tiens, ce sont les héritiers de Truffaut ? Quelqu'un comme Desplechin cite tout le temps Truffaut, adore les livres, se sert de la voix off, filme beaucoup mieux que Truffaut, parce que Truffaut n'était pas vraiment un styliste, mais ça n'est pas très grave. Et oui, c'est très bien d'être influencé par Truffaut. Puis c'est quand même un cinéaste tellement français, avec tous les défauts que ça comporte, mais en étant particulier à ce point-là, c'est pour ça que les Américains, à une époque, voulaient imiter les gens de la Nouvelle Vague, dont Truffaut. Aujourd'hui, j'imagine qu'aux États-Unis, personne n'a envie de ressembler à... Bon, je vous laisse dire les noms. Donc, est-ce que finalement, Truffaut, il est beaucoup adulé aujourd'hui, on en parle beaucoup, il est peut-être moins regardé qu'avant, mais c'est presque plus l'image et ce qu'il a représenté à l'époque qui compte, que de manière réelle, son influence directement dans le cinéma français aujourd'hui. Oui, mais... À part peut-être Desplechin. Qui a vraiment d'influence sur les cinéastes français qui sortent tous de la FEMIS, leurs profs. Alors c'est un problème, la FEMIS ? Ah oui, bien sûr. Pourquoi ? C'est une école, ça ne peut pas donner des choses bien. Il y a des écoles. Ah bon ? Ah non, vous êtes pour l'école Buissonnière, vous êtes pour l'absence d'éducation chez les enfants ? Non, c'est pour la technique, pour les preneurs du son, pour les opérateurs, mais pour les metteurs en scène, il n'y a pas besoin de passer par la FEMIS, ni par quelle école que ce soit. Vous pensez ? Ouais. Comment on apprend le métier ? C'est comme le journalisme, ça s'apprend sur le tas. Oui, mais on ne peut pas monter un film du jour au lendemain si on n'a pas... Non, mais ça, c'est technique. On apprend le montage. Mais apprendre à écrire un film, ce qui compte, c'est le scénario. Et ça ne s'apprend pas. C'est comme le cours de creative writing aux États-Unis. Ça donne des résultats calamiteux. Peut-être qu'ils sortent un peu des sentiers battus, justement. Ça peut... Ah non, écrivains et metteurs en scène sont des professions délirantes, comme on disait. Donc ça ne peut pas être enseigné par quelqu'un qui est derrière un bureau et qui lui-même n'a jamais rien fait d'intéressant. Mais ce n'est pas le mythe un peu romantique de l'écrivain inspiré qui puise dans sa propre biographie. Pour l'écrivain, c'est encore pire que pour le cinéma, parce qu'un écrivain, il prend son stylo et sa feuille de papier, enfin maintenant son ordinateur, hélas, ça ne coûte rien à personne, et puis on verra ce que ça donne au bout. Mais le cinéma, ça coûte un petit peu plus cher, mais je ne crois pas que des génies puissent sortir de la FEMIS ou des autres écoles qui existent. Donc vous êtes pour une espèce d'école buissonnière du cinéma. Oui, ça doit être le plaisir, la liberté. Et avec un téléphone, par exemple, faire un film Peut-être, oui. Peut-être, si on est doué, si on sait comment s'en servir, comment cadrer. Soderbergh l'a fait, personne ne s'est aperçu que c'était filmé avec un téléphone. Mais c'est quelqu'un qui est un génie. Voilà, vous pensez que c'est à la hauteur de tout le monde ou il faut quand même faut être un peu génial pour y arriver, quoi. Il faut avoir du talent, en tout cas du génie, on verra ensuite. Et puis il faut surtout qu'on ait envie à tout prix de tourner un film. Ça, on voit bien qu'à l'époque, les 400 coups, il était prêt à tout pour réaliser son film, que c'était qui tout double, comme un homme et une femme pour Lelouch. C'était son troisième ou quatrième film et il était au bout du rouleau. Et si ça n'avait pas marché, c'était fini, sa vie était fichue. Et c'est comme ça qu'on voit ce qui se passe sur l'écran au bout du compte. Quel est votre film préféré de Truffaut ? Peut-être les 400 coups. Retour casse départ. Mais ça annonçait toute la suite. Et puis, les 400 coups, c'est Douanel, donc il y a trois autres films après. Même quatre avec un court-métrage. Merci, oui, Eric Neuf. Exact. Merci d'être venu nous parler de Truffaut ce matin. Très cher cinéma français, très entre parenthèses. Et ironiquement, c'est le titre de votre livre disponible aux éditions Albin Michel qui est paru cette année. Et puis j'ai lu un extrait et je conseille la lecture de votre lettre ouverte à François Truffaut, toujours chez Albin Michel, c'était en 87, suite à la mort de François Truffaut. Regardez aussi, chers auditeurs, chères auditrices, L'homme qui aimait les femmes. Bah, vous me direz, si vous y arrivez, parce que c'est pas facile à trouver. Il est disponible en DVD. Et puis on attend les retours. À condition d'être très riche, parce qu'il vaut une fortune. Alors vous pouvez louer en DVD chez Vidéosphère, c'est ce que nous avons fait. Merci. On se quitte avec un hommage à la femme, cette fois-ci celui de Velvet Underground. Here she comes, you better watch your step. She's gone to break your heart in two. It's true, it's not hard to realize. Just look into her false colored eyes. She'll build you up to just put you down. What a clown, 'cause everybody knows the thing she does to please. Just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book, you're number 37, have a look. She's gone too smart to make you frown. What a clown. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, la chronique quotidienne de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi oublie-t-on la violence et le sacré ? Lorsqu'on parle de la philosophie de la violence, notamment en France au XXe siècle, et je dois plaider coupable avec aussi les amis avec lesquels nous travaillons sur la violence depuis de nombreuses années, on parle très souvent de grands philosophes reconnus comme tels, qu'il s'agisse de Jean-Paul Sartre, d'Emmanuel Lévinas, aussi de Michel Foucault et du pouvoir et de ses abus, et on oublie souvent, de manière révélatrice, un livre d'un penseur peut-être inclassable entre l'anthropologie et la théologie et aussi la littérature, ce fameux René Girard dont « La violence et le sacré » en 1972 est pourtant un livre fondamental qu'il faut lire et relire, même si on peut et on doit peut-être lui faire des critiques ou des objections sur certains points dans sa théorie de la violence. Que dit en effet René Girard dans « La violence et le sacré » ? Ce qu'il dit, c'est que il faut faire ressurgir aujourd'hui où les religions, d'après lui, en 1972, sont en train de s'effacer au profit aussi d'une étude scientifique des sociétés, de l'ethnologie. Il faut faire ressurgir ce que les religions affrontaient de manière directe, à savoir la part de violence qui est au cœur de nos sociétés et qu'elles cherchent à canaliser. La violence est le refoulé constant de notre société, alors que toute société est travaillée par une force violente interne que René Girard a cherché à décrire et à analyser et dont il a cherché à montrer comment les sociétés cherchent à s'en préserver. Le cœur de la violence, selon René Girard, se situe en effet dans les relations les plus intimes entre les hommes. Elle est au cœur du désir entre les humains. Ce désir qui fait que nous sommes tout le temps en train de désirer quelqu'un ou quelque chose, mais aussi contre quelqu'un ou quelque chose. Ce désir qui fait que nous ne pouvons pas exister finalement sans cette rivalité forcément mimétique avec quelqu'un qui désire la même chose que nous. René Girard l'avait déjà décrite dans son premier livre de critique littéraire intitulé « Mensonge romantique et vérité romanesque ». Le mensonge romantique, c'est l'idée d'un amour bienveillant. La vérité romanesque, c'est que derrière l'amour, il y a la rivalité, la jalousie et la guerre. Il y a ainsi une somme de violence qui tient au fait que la société est faite de tiers, que nous désirons quelqu'un mais que nous sommes en rivalité avec quelqu'un d'autre. Et toute société cherche à se protéger de cette force de violence et précisément en la dérivant sur des tiers, en sacrifiant un tiers pour qu'il porte sur lui la violence du monde. C'est ce que René Girard appelle le bouc émissaire. Ainsi, pour éviter de se déchaîner contre des tiers, nous consacrons certains tiers à la violence et c'est les victimes sacrificielles qui peuvent être des sacrifices animaux ou humains, ils n'y voient pas de différence majeure, mais en tout cas, ces boucs émissaires que nous cherchons forcément partout et qui nous permettent d'expurger notre propre violence intime dans une société, la violence toujours fratricide que nous dérivons sur un tiers pour nous en protéger. Et c'est aussi le rôle du sacrifice et du sacré, et ce rôle que l'ethnologie retrouve de manière supposée objective, alors que les religions l'affrontaient de manière passionnelle et rituelle, et pour le meilleur ou pour le pire, cherchaient à nous en préserver. Le christianisme, selon René Girard, ayant dévoilé la vérité de la violence, l'auto-sacrifice de la victime qu'était le Christ, l'auto-sacrifice dévoilant le secret de la violence, vendant la mèche en quelque sorte, pour chercher aussi à nous en préserver, pour renverser le fratricide en union positive au cœur de toute société. Quel est le problème aussi, au fond, au cœur de la théorie de René Girard? Sa force, c'est de décrire une violence qui surgit des relations intimes. Mais, au fond, cette relation n'est pas si intime que ça, c'est toujours la rivalité avec l'autre. Et il s'oppose à un autre penseur de la violence intime, Freud, le fondateur de la psychanalyse, qui voit plutôt la violence surgir de l'amour lui-même, l'ambivalence de l'amour et non pas la rivalité avec la jalousie et le tiers. C'est dans la relation à la mère ou au père d'abord, puis à l'être aimé, que se niche comme le contraire intime de l'amour, la possibilité de la violence et de la transgression. Ainsi, il y a là deux pensées différentes mais très proches de la violence intime. Et laquelle faut-il choisir? Au fond, l'un a externalisé la violence, l'autre l'a mis dans nos relations intimes. L'un, René Girard, a reproché à Freud d'avoir enraciné la violence dans des relations réductrices. Le complexe d'Œdipe, la relation au père ou à la mère et la sexualité. L'autre, peut-être, reprocherait à René Girard d'avoir fait de la violence une force sociale anonyme sans la mettre au cœur de nos relations les plus personnelles et même la relation à nous-mêmes, la violence que nous pouvons porter contre nous-mêmes. Mais la leçon commune des deux, c'est que la violence surgit de l'intérieur des relations humaines, dans toute société, et peut-être qu'en effet, il faut combiner l'intimité de l'amour et la sacralité de la violence, la nécessité de nous en préserver par des interdits. Finalement, leur point commun étant la fonction sociale, la fonction de la société, qui est de préserver les humains de leur propre violence intérieure. Merci beaucoup Frédéric Worms, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture ou bien à télécharger, à podcaster à la page Le Pourquoi du Comment. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Jules Barbier avec Isis Jourda, Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine à la prise de son, c'était Déborah Dagobert, à la lecture des textes Noémie Lvoski. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série autour de François Truffaut. Demain, ce sera le cinéaste Christophe Honoré qui viendra parler de son amour pour les films de François Truffaut, de la manière qu'ont eu ces films d'influencer son propre travail. On parlera de Jules et Jim, du dernier métro, mais aussi des chansons d'amour. Bref, une valse à deux temps entre Christophe Honoré et François Truffaut. D'ici là, réécoutez cette émission. C'est très facile, hein, cette émission en compagnie d'Éric Neuf aujourd'hui sur François Truffaut. Il suffit de vous rendre sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins de la Philosophie vous attend également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.